Chapitre 329. La réprobation de dire « Mon âme est vile ». 1739. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Qu'aucun de vous ne dise « Mon âme est vile » khabith, mais qu'il dise plutôt « Mon âme est enclin au mal » Al-Bukhari et Muslim.